Audiomatique. Les sillons gorgés de signaux binaires ont laissé s'échapper des vapeurs soniques au contact du faisceau lumineux produit par le laser qui a le pouvoir de décoder l'empreinte analogique qui a dû être convertie en une signature numérique afin de se rendre jusqu'à vos oreilles. L'impulsion électrique donnée à la machine a permis la lecture de ce langage dans une consomption inodore et incolore, mais qui, par le seul sens de l'ouïe, met en éveil tout le corps et l'esprit. L'inhalation de la substance audible par le canal vestibulaire jusqu'au tympan cause un effet de léthargie dans la mouvance de chacun des membres, mais excite les sensations, multiplie les perceptions dans une succession d'impulsions rythmiques et harmoniques que l'on peut définir lexiquement parlant par le mot « opium ». La matière ainsi consommée a été produite par Dead Can Dance et a été mise en circulation sur le support nommé « Anastasis ». Vous êtes sous l'influence de la transmission 154 d'Audiomatique et ce, pour la prochaine heure. Que dire de plus, sinon que la musique électronique est l'opium des électronistes. Through the balloon.

La formation de Crystal Method concluait cette séquence de trois pièces avec Ready for Action, une composition qui se trouve sur le deuxième album Tweekend, paru en 2001. Avant cela, c'était le projet montréalais Synthesthesia, qui a été actif sur la scène techno-trance underground dans la deuxième moitié des années 90. La pièce que nous avons entendue, soit Akit Asia, paraît sur son album Akatisia Live, sorti en 1999. Et pour amorcer la séquence musicale, nous écoutions la pièce Hot Room de l'artiste Linda Lamb dans une version remixée que nous offrait le Montréalais Tiga. Cette version se retrouve notamment sur la compilation American Gigolo qui regroupe une série d'artistes de l'étiquette de disque International DJ Gigolo Records. Nous continuons à façonner cette transmission d'audiomatique avec cette fois le groupe écossais Remember, Remember. Thank you. strike I blow is a drop in the sea. Each drop is one of a kind. Outside the rain has cooled down the night. Now the streets shimmer and shine. Inside my skin is a furnace so bright that all who look straight must go blind. Le défunt groupe anglais Curve nous présentait la très sensuelle pièce Unreadable Communication tirée de leur deuxième album studio intitulé Cuckoo, qui est paru en 1993. Mentionnons que pour célébrer le 25e anniversaire de la parution de leurs deux premiers albums, Curve a réédité l'album Doppelganger et l'album Cuckoo en vinyle et également en version double CD, incluant des B-sides, des remixes et des chansons enregistrées en concert. La chanteuse Tony Halliday continue sporadiquement de produire musicalement, entre autres sous le pseudonyme Chatelain, et Dean Garcia, l'autre membre principal de Feu Curve, continue de composer au sein du projet Space Echo avec sa fille Rose Berlin. Précédemment à Curve, on avait droit au quatuor danois Turbo Weekend qui nous interprétait la pièce Drums in the Dark de leur mini-album Bound. Et pour débuter cette séquence, nous entendions la chanson One Happier de la formation écossaise Remember, Remember, qui était ici remixée par GRNR. On peut retrouver ce remix sur l'album The Mixening, qui comprend des versions remixées de différentes pièces extraites de leur album The Quickening. Poursuivons sans attendre avec le projet Turnwater Audiomatic. La formation colombienne Bomba Estéreo concluait cette séquence de deux pièces avec Agua Sala, tirée de son premier album Estaya, paru en 2010. Et avant Bomba Estéreo, nous écoutions le projet Turnwater et sa pièce Confluencia, qui se trouve sur la compilation Balance de l'étiquette numérique Cello Regional. La fin est une notion souvent chargée en émotions, mais pour ce qui est de la conclusion d'Audiomatique, elle est souvent teintée d'une excitation que nous espérons pouvoir vous transmettre, puisque pour les électronistes, le fait de terminer une transmission d'Audiomatique implique que nous devrons nécessairement en débuter une autre la semaine prochaine. C'est donc avec enthousiasme que nous vous présentons en finale de cette transmission 154 d'Audiomatique, un groupe anonyme de qui on sait très peu de choses, si ce n'est que les membres sont originaires de New York et Berlin, qu'ils sont basés à Berlin et que l'un d'eux est une chanteuse. Il s'agit de Notic Nastic qui nous offrira la chanson « Sleep Tight », comprise sur leur premier album studio « It's Dark, But It's Okay ». La transmission 154 sera disponible en différé dans les prochains jours, comme d'ailleurs toutes les anciennes transmissions d'Audiomatique. Pour y accéder, rendez-vous sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique CFOU. et nous vous donnons rendez-vous pour la transmission 155 qui sera diffusée en direct sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. Voici Nautic Nastic avec la chanson Sleep Tight. C'était Audiomatic avec les électronistes. We drive by the sea side and you're the one in shotgun. And for the first time, the world is right. We drive by the sea side, and you're the one in shotgun. A God-given right, and I'd rather stay up through the whole damn night. I wake up when I want, and not with the sun. I'm a badass motherfucking fit of fun. And I know that a party is a God-given right. See?